France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Bienvenue en direct au studio 105 de France Musique. Parce que ce matin, c'est Noël avec une semaine d'avance sur la 42e rue. Nous vous offrons un véritable bouquet autour de deux événements dans le petit monde de la comédie musicale. La création française, d'abord, en janvier, d'une comédie musicale de Leonard Bernstein, jamais jouée en France, Wonderful Town. Nous recevons ce matin, en direct, en avant-première, quatre artistes de cette production qui sera à l'affiche en janvier de l'Opéra de Toulon, en préambule des célébrations du centenaire du compositeur de West Side Story. Et puis, autre événement actuel, l'énorme succès de Singing in the Rain. Actuellement au Grand Palais, dans la production créée au Théâtre du Châtelet, nous avons la chance de recevoir son acteur principal, Dan Burton, qui danse chaque soir sous la pluie et vient de faire paraître un album en hommage à Broadway. Et nous allons, pour débuter, découvrir comment sonnaient, à leur création, les chansons du spectacle et du film « Chantons sous la pluie ». Elles avaient été créées dans les années 20 et 30 et une formation épatante menée par Bastien Steele et Jean-Bernard Leroy, le Spirit of Chicago Orchestra, a retrouvé les arrangements et vous les propose. Ils sont 18 sur le plateau du Studio 105 ce matin, en direct. Just singing in the rain, what a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing in the rain. Thank you. Houston et le Spirit of Chicago Orchestra, Singing in the Rain. Tout à l'heure, ils nous feront découvrir d'autres titres de Chantons sous la pluie à la façon années 30. Mais débutons ce 42e rue par celui qui sera à l'honneur toute l'année prochaine en France, dans le monde et sur France Musique, Léonard Bernstein. Nous fêterons en 2018 son centenaire et tout débutera en France à l'Opéra de Toulon avec la création en France d'une comédie musicale qu'on n'a jamais vue ici. On connaît la double carrière de Léonard Bernstein, directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de New York, versé dans la musique classique sérieuse et qui a aussi donné naissance à des chefs-d'œuvre à Broadway où il mélangeait ses sonorités parfois dissonantes, du jazz, du mambo, dans West Side Story ou dans On the Town. En 1953, juste avant Candide et West Side Story, Léonard Bernstein compose Wonderful Town. Alors c'est un retour à la comédie musicale après 10 ans de jeûne, peut-être parce que l'austère chef d'orchestre Serge Koussevitzky, qui lui avait déconseillé fortement de faire de la comédie musicale parce que ça risquait de le discréditer dans le monde de la musique classique, peut-être parce que ce maître était mort 2 années plus tard. À ses côtés, Léonard Bernstein travaille avec ceux qui viennent d'écrire le film Chantons sous la pluie, Betty Comden et Adolph Green. Ça sera donc Wonderful Town, l'histoire de 2 sœurs américaines qui montent à New York au tempérament opposé, une brune, maligne, intelligente, l'autre blonde et a damné la terre entière. Elles arrivent de leur campagne profonde avec comme seule envie de faire fortune et de devenir célèbres. À l'Opéra de Toulon, c'est Raphaël Cohen qu'on a apprécié dans le Bal des Vampires au théâtre Mogador qui incarnera Eileen Sherwood, avec l'orchestre de l'Opéra de Toulon dirigé par Larry Blanc. Ce matin, elle est ici, en direct, sur le studio 105 de France Musique, accompagnée tout simplement au piano par Daniel Glay, qui fut notamment le directeur musical de Cabaret au Théâtre Marigny et aux Folies Bergères. Alors le personnage de Eileen, incarné par Raphaël Cohen, est, comment dire, une jeune fille qui pressent que quelque chose va arriver. C'est un peu Something is coming dans West Side Story. Le problème avec cet amour, c'est que Eileen éprouve ce sentiment chaque fois qu'elle frôle un homme. I'm a little bit in love, never felt this way before. Just a little bit in love, or perhaps a little bit more. When he looks at me, everything's hazy and all out of focus. When he touches me, I'm in a spell of strange hocus pocus. It's so, I don't know, I'm so, I don't know, I don't know. Les de Lady Love, en direct au studio 106 de France Musique, 105 de France Musique, Raphaël Cohen, qui vient de terminer le tournage du film Berlin, I Love You, et qu'on a vu dans l'adaptation chez Disney avec des acteurs de La Belle et la Bête, et qui nous arrive de Los Angeles, où elle s'est installée il y a quelques temps. Elle est arrivée exactement il y a 2 jours. Elle était accompagnée au piano par Daniel Glay. Bonjour Olivier Benezèche. Bonjour. Vous êtes metteur en scène de Wonderful Town, de Léonard Bernstein et l'Opéra Toulon. On vous doit Sweeney Todd au Château d'Ardelot. On vous doit Follies de Stephen Sondheim à l'Opéra Toulon. On vous doit Un violon sur le toit au Théâtre Comédia à Paris. À votre avis, pourquoi cette œuvre de Léonard Bernstein, cette comédie musicale, n'a jamais été jouée en France jusqu'à ce jour? Tout simplement parce que elle est très lourde, très très lourde à monter. Il y a 14 solistes, une vingtaine de choristes, une quinzaine de danseurs et l'orchestre à la Bernstein qu'il faut respecter. Ça veut tout dire. C'est West Side Story. Hein. C'est un prélude à West Side Story, Wonderful Town. Donc tout ça arrive à une centaine de personnes, ce qui veut dire que hormis un opéra régional qui a la mission de faire cela, on peut oublier toute idée de privé. Et puis aussi parce que la France n'est pas forcément le pays le plus curieux et le plus initié à la comédie musicale, on oui, le mais sait. On peut dire quand même que West Side Story, tous les Français le connaissent, On the Town aussi. Pourquoi celle-ci arrive en dernier? Qu'est-ce qu'elle a de moins? Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres, en fait? Alors, elle vient déjà d'un film, donc il faut faire une adaptation d'un film, ce qui n'est peut-être aussi un handicap. Il y a beaucoup de textes, c'est du théâtre, c'est vraiment un spectacle pour des acteurs qui chantent. C'est presque du boulevard à un moment, hein. Il y a pas des loin. Quiproquos. On n'est pas loin, on est dans la comédie, le film, dans cette espèce de folie qu'il y avait dans les années 50, dans le cinéma américain. Et tout ça, il faut trouver les interprètes capables de chanter du Bernstein, mais aussi de jouer. Et c'est pas si simple. Pourquoi vous dites que c'est un peu un prélude à West Side Story qu'il composera quelques années plus tard? Oui, c'est un prélude parce qu'il y a des grands numéros de danse, comme Bernstein n'avait encore jamais écrit, très orchestré. Il y a 5 numéros de danse, grand ensemble, et puis c'est New York. Donc tout ça, on sent qu'il réfléchit beaucoup déjà à West Side Story, et je dirais aussi qu'il y a un peu de cynisme, d'amertume, et tout ça nous laisse présager certains passages pour lesquels il a confié le texte à Stephen Sondheim. Tout ça n'est pas un hasard. Alors, vous parliez de cynisme et d'amertume. La chanson que va interpréter maintenant Jasmine Roy, qui interprète l'autre sœur, en est un exemple. Vous pouvez nous en dire deux mots? C'est un exemple terrible. Déjà, en 1953, Bernstein lance les revendications des femmes aujourd'hui. C'est formidable. C'est-à-dire que dans cette chanson que vous allez entendre par Jasmine Roy, eh bien, si une femme conduit mieux qu'un homme, si une femme corrige les fautes de grammaire de son mec, si une femme nage plus vite que lui, eh bien, elle est virée. Et c'est ce qu'elle dit dans cet air. Voilà quelques façons de perdre un homme, mais c'est une revendication. Et quelque part, c'est peut-être déjà le départ de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est Jasmine Roy qui interprète la sœur de Eileen. Elle s'appelle Ruth, et qui interprète donc les 101 façons de perdre un homme. Girls, are you constantly bothered by the clawing attention of the male sex? Well, here's the solution for you. Get Ruth Sherman's new bestseller, 100 Easy Ways to Lose a Man. Chapter 1. Now the first way to lose a man. You've met a charming fellow when you're out for a spin. The motor fails and he just wears a helpless grin. Don't bat your eyes and say, what a romantic spot we're in. Just get out, crawl under the car, tell him it's a gasket and fix it in 2 seconds flat with a bobby pin. That's a good way to lose a man. He takes you to a baseball game, you sit knee to knee. He says the next man up at bat will bunt, you'll see. Don't say, oh, what's a bunt? This game's too hard for little old me. Just say, bunt? What are you, nuts? With no outs, two men on base and a left-handed batter coming up, he'll walk in right into a triple play just like it happened in the fifth game of the World Series in 1923. That's a sure way to lose a man. A sure, sure, sure, sure way to lose a man. A splendid way to lose a man. Just throw his knowledge in his face. He'll never try for second base. 98 ways to go. Now the third way to lose a man. The lifeguard at the beach that all the girlies adore swims bravely out to save you from the ocean's roar. Don't say, oh gee, oh thanks, I would have drowned in just 1 second more. Just push his head on the water, your last one is a rotten egg, and race him back to the shore. That's a good way to lose a man. You've met your perfect mate and it's been love from the start. He whispers, you're the one to whom I give my heart. Don't say, I love you too, dear. Let's never, never part. Just say, I'm afraid you've made a grammatical error. It's not to who I give my heart, it's to whom I give my heart. You see, with the use of the preposition to, who becomes the indirect object, making the use of whom imperative, which I can easily show you by drawing a simple chart. That's a fine way to lose a man. A fine, fine, fine, fine way to lose a man. A dandy way to lose a man. Just to be more well-informed than he. You'll never hear, oh, promise me. Just show him where his grammar hurts and mark your towels, hers and hers. Yes, girls, you too can lose your man if you just use Ruth Sherman's plan. 100 easy ways to lose a man. One 100 easy ways to lose a man, extrait de Wonderful Tone à l'affiche de l'Opéra de Toulon à partir du 26 janvier. Et en avant-première ce matin sur la 42e rue de France Musique, grand merci à Jasmine Roy qui quand même hier soir à 20h était à quoi 400 km d'ici, à Charleroi, puisqu'elle incarne Élise dans... c'est la mère de Geneviève dans la nouvelle production des Parapluies de Cherbourg. Voilà, qui a été créé exactement vendredi au Palais des Beaux-Arts de Charleroi en présence de Michel Legrand. Merci Jasmine Roy. On continue, alors accompagné au piano, je dois dire, par Daniel Gley, qui fut directeur musical de Cabaret, je l'ai dit tout à l'heure, qui est le pianiste aussi des Fiancés de Loche, actuellement en tournée en France, la comédie musicale d'Hervé de Volder, qui est aussi pianiste d'une formidable formation chorale emmenée par Pierre Babola de Fondue de Comédie Musicale qui s'appelle Cœur de Pierre, et Daniel qui proposera aussi une soirée Bernstein à Beuvrecamp. C'est au lieu sous l'Opalétuvier, c'est le 12 février, autour de Bernstein, chez notre ami Marc-David Calvet. Un nouvel extrait de Wonderful Tone, Olivier Benezèche, présentez-nous ce rédacteur en chef. Alors, lui, c'est un rédacteur d'une revue importante new-yorkaise. Il est sollicité par, évidemment, le rôle de Jasmine Roy, Ruth. D'abord, il l'envoie balader. Qu'elle veut être journaliste, elle veut faire carrière en journaliste. Ouais. Sa sœur veut être danseuse, elle veut être journaliste, elle est plus intello, mais elle se plante. Mais, par contre, il s'est passé quelque chose entre eux, et peut-être qu'un amour est en train de naître, à part que lui, il aimerait bien avoir une femme gentille, calme, douce, et que là, il se retrouve en face d'une femme qui a sa personnalité, qui sait ce qu'elle a à dire, et comme il est quand même peut-être un peu macho, eh bien, il le vit très mal. Donc voilà sa terre, c'est ça. Le macho sur scène, c'est Maxime de Toledo, qui l'incarne, veux-je dire. All right, goodbye, you've taught me my lesson. Get mixed up with a genius from Ohio. It happens over and over. I pick the sharp intellectual kind. Why couldn't this time be different? Why couldn't she only be a different kind? Another kind of a girl. I love a quiet girl. I love a gentle girl, warm as a sunlight, soft, soft as snow. Her smile, a tender smile, her voice, a velvet voice, sweet as music, soft, soft as snow. When she is near me, the world's in repose. my gentle girl. Where is that special girl who is soft, soft? Maxime de Toledo, qui incarnera Bob Baker, journaliste, rédacteur en chef, dans cette comédie musicale à découvrir absolument, Wonderful Town. À l'Opéra Toulon, on entend bien la musique de Leonard Bernstein, hein, dans cet air, Olivier Benezech. Alors, un air maintenant complètement différent que je vous laisse présenter, parce que nous allons donc avoir maintenant sur scène un joueur de football américain, c'est ça ? Ah vrai, en plus. Ouais. Dommage qu'on ne le voit pas. Alors lui, par contre, dans l'histoire, c'est là où on retrouve un peu l'acrimonie, le côté un peu amer et méchant et ironique de Bernstein. Ce qui n'est pas dans le film qui a donné lieu au spectacle. Là, on est avec les valeurs que Bernstein a portées toute sa vie dans un côté un peu dénonciateur. S'il était vivant aujourd'hui, je pense très bien, j'imagine ce qu'il dirait. Alors là, c'est un footballeur qui est au chômage. Mais... Ah. Évidemment, il n'a pas un bagage intellectuel très haut. Il n'arrive pas à traduire « I love you » en français. Il n'arrive pas, il n'a jamais lu une ligne d'André Gide et il ne sait pas qui c'est dans le texte. Il aime bien montrer aux filles qu'il est violent. Il aime bien boire l'eau des rince-doigts quand il va au restaurant. Et devant une porte, il fait exprès de jamais laisser passer une femme. Mais pourtant, il a toujours été considéré par le public comme un héros. C'est donc l'Amérique du bas, excusez-moi. C'est l'Amérique du bas dans tout ce qu'elle a d'horrible. J'y vais, bonjour Monsieur Trump. Voilà, donc c'est ça maintenant que va jouer... c'est mon opinion, ça n'engage Thomas que moi. Thomas Boutillier, qui n'est absolument pas américain, qui est québécois. Voilà. Ou il est canadien, de Montréal. Il est canadien-américain. Canadien-américain. Voilà. Thomas Boutillier incarne cette Amérique de Trump, et donc cette chanson qui s'intitule « Pass the football » en direct sur France Musique. Look at me now, 4 years of college, famous professors tutoring me, scholarship kid, everything paid for, food and vacation, all of it free. The day that I left, everyone gathered, their cheering still rings in my ears. Raw Rick Ray! Ray Rick Raw! Rick Rick! R-E-K! Rick! R-E-Q! R-E-K? Rick, we love ya! 'Cause I could pass that football like nothing you have ever seen. Couldn't spell a lick, couldn't do arithmetic. One and one made three. Thought that dog was C-A-T. But I could pass that football like nothing you have ever seen. Couldn't write my name. Couldn't translate je vous aime. Never learned to read Mother Goose or André Gide. But I could pass that football like nothing you have ever seen. Couldn't figure riddles, puzzles made me pout. Where the hell was Moses when the lights went out? I couldn't even tell red from green. Get those verbs through my bean. But I was buddies with the dean like nothing you have ever seen. Passed without a fuss English lit and calculus. Never had to cram, even passed the bar exam. Because I passed that football like nothing you have ever seen. Couldn't dance for beans. Smashed my girls to smithereens. Sometimes blood was spilled. Still, my card was always filled. Because I passed that football like nothing you have ever seen. Then there was the week Albert Einstein came to speak relativity. Guess who introduced him? Me! 'Cause I could pass that football like nothing you have ever seen. Had no table manners, used to dunk my roll. Always drunk the water from the finger bowl. Though I would not get up for any sheet, the Prexy's mom, age 93, got up and gave her seat to me like nothing you have ever seen. In our Hall of Fame, there's a statue with my name. There we stand by Heck, Lincoln, Washington, and Rec. 'Cause I could pass that football like nothing you have ever, ever seen. Thomas Boutillier passe that football. Merci infiniment à toute la troupe de Wonderful Town de Leonard Bernstein, à découvrir à l'Opéra de Toulon. Trois représentations, le 26, le 28, le 30 janvier. La 42e rue de France Musique y passera bien sûr, et nous vous raconterons tout dans une émission spéciale dimanche 28 janvier. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Et maintenant voici un homme précieux. Il fait partie de ceux qui dans le théâtre savent tout faire. He can do everything. Je le traduis parce qu'il est devant le micro et il ne comprend pas les louanges que je lui lance. He can dance. Il peut danser. He can sing under the rain. Il peut chanter sous la pluie. Et il peut aussi jouer très bien, par exemple, se lancer sur un lampadaire. Dan Burton incarne à nouveau Don Lockwood dans Chantons sous la pluie, la production créée au Théâtre du Châtelet sous la direction de Jean-Luc Choplin, qui s'est installée durant les travaux au Châtelet sous la nef monumentale du Grand Palais, où un beau et grand théâtre a été entièrement construit. Dan Burton brille toujours autant sur scène, mais il vient aussi de sortir son premier album où il interprète de nombreux airs de Broadway. Alors lui aussi était hier soir sur scène au Grand Palais, il y retourne tout à l'heure à 18h. Mais ce matin, après une toute petite nuit, il nous fait le plaisir de venir en direct sur la 42e rue de France Musique, accompagné par celui qui est chaque soir à la direction d'orchestre, Gareth Valentine. Here they are. Singing in the rain, what a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain, ya-da-da, da-da-da-da. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Dancing and singing in the rain. Voilà, c'est notre cadeau de Noël ce matin sur la 42e rue de France Musique. Bonjour Dan Burton. Bonjour. Merci de vous lever tôt. Merci d'être avec nous en direct. Alors, que de projets vous avez actuellement ? Vous avez dansé sous la pluie il y a maintenant 2 ans pour la première fois au Châtelet, mais vous avez aussi incarné le héros de Top Hat. Vous avez joué avec Imelda Staunton dans une magnifique production de Gypsy à Londres. On vous a vu l'an dernier au Châtelet dans 42nd Street. Qu'est-ce que ça vous fait, cette saison, de reprendre à guichet fermé le rôle emblématique de Don Lockwood dans Chantons sous la pluie ? C'est Xavier Combes qui traduit ce matin en direct. It's so special to be back in Paris playing such an amazing. C'est formidable de revenir à Paris pour jouer ce rôle formidable de revenir. Le retour au Châtelet, c'était très bien, donc c'était génial, mais revenir au Grand Palais où il n'y a jamais eu de comédie musicale auparavant. C'est difficile à décrire avec des mots. C'est absolument extraordinaire. Un public de 2500 personnes qui vivent cette expérience du spectacle dans un tel endroit, c'est absolument formidable. Les mots me manquent. Glorious, nous dit Dan en anglais. Reprendre le même rôle 2 ans plus tard, est-ce que du coup vous l'avez mûri ? Enfin, comment ça se passe ? Vous l'avez changé un petit peu, Dan Lockwood ? Qu'est-ce que vous avez changé ? That's a very good question, yes. I mean, as everybody knows, this role is très bonne question, comme chacun le sait, c'est un rôle absolument énorme. Gene Kelly, c'est Don Lockwood. On ne peut pas faire mieux que Gene Kelly, c'est mon idole. Quand j'ai eu la possibilité, cette chance de jouer ce rôle, c'était tellement stimulant pour moi et revenir, non pas 2 fois, mais 3 fois. Pour moi, c'est un défi parce qu'il faut réinterpréter. Il y a quelques nuances que je garde, il y a quelques nouveautés que j'essaye d'investir. Les comédiens sont différents. Cathy Seldon, par exemple, c'est une autre comédienne, et donc il y a une dynamique différente entre nous trois, entre les trois protagonistes, avec un nouvel ensemble musical. Tout ça, ça donne une dynamique différente au spectacle. Et c'est d'une grande beauté. Et c'est différent, mais on garde quand même l'essence du spectacle. Dan, vous sortez votre premier album qui s'appelle Broadway Melodies, qui est un choix de chansons de comédie musicale. Comment il est né, ce premier album ? Il y a 2-3 ans, j'ai eu la chance d'être nominé pour le prix Laurence Ovillier pour mon rôle dans Gypsy. Quelqu'un m'a dit, ce serait une bonne idée que tu sortes ton premier album. J'ai été hésitant. Et puis, au bout du compte, je me suis dit, oui, allez, j'y vais. Et il y a pas mal de morceaux sur cet album qui sont autobiographiques. Ce sont des rôles que j'ai joués dans le West West End, et puis il y a d'autres rôles que je suis trop jeune pour jouer, je n'ai que 32 ans. Néanmoins, c'est un spectre, un répertoire suffisamment merveilleux que ça méritait, à mon avis, un album, des mélodies de Broadway pour couvrir le spectre de la comédie musicale pour en faire profiter le public. Alors, vous avez choisi notamment une comédie musicale que j'adore, qui est absolument prodigieuse, qui s'appelle City of Angels. C'est une comédie musicale de Cy Coleman avec un personnage de film policier et son créateur, puisque c'est un personnage de fiction, et puis son créateur qui est un romancier. Et on ne sait jamais très bien dans cette histoire qui tient qui. Pourquoi, par exemple, cette chanson ? Pourquoi cette comédie musicale ? I love Cy Coleman's work. I think from musicals such Cy as Coleman, Little pour Me, moi, c'est un artiste formidable. I was very lucky that my father was in the musical Little Me in the West End of the Prince of Wales Theatre in 1985. Ça, c'était en 1985. And very similar to Tulsa and Gypsy, he had I've Got Your Number, which is a whole number on his own. And so I've always had a sort of love affair with solo, Cy Coleman. Donc Cy Coleman et moi, but the musical, relation, the chord structures, progressions, the intricacy of il y a une montée d'accord, il y a donc le double talk que vous allez entendre, et Gareth Valentine est le directeur musical de ce spectacle au West End aussi. Donc ça, c'est une chance formidable. Donc c'est un choix évident, en fait. Tout à fait facile pour moi de faire cette sélection pour qu'il participe à l'album. Eh bien, je vous laisse retourner vers le micro pour entendre ce double talk. En fait, c'est une discussion finalement entre ce personnage de fiction et son auteur, un extrait de City of Angels de Cy Coleman, interprété en direct au studio 105 de France Musique ce matin par Dan Burton, accompagné par Gareth Valentine. This job is not to be believed, and I cannot believe my luck. I'm at the literary prime of my life, and I'm about to have the time of my life. Unless I'm easily deceived, nobody does intend to sugarcoat his comments. He's all right, all bark, no bite. I've always longed for a chance to be watching a book of my own on the screen. To look up and see Stone on the screen would be better than fine. Sit with my wife in a crowd as the credits are shown on the screen. In a frame, all alone on the screen, it says screenplay by Stein. For making movies out of books, they say that Buddy wrote the book. I can depend on him to give me some lip, but you can trust a guy who shoots from the hip. Out here where nothing's how it looks, it's hard to disregard a candid stand-up guy who skips the double talk and lets you know exactly what he's thinking about you. And I can beat the odds and meet his demands, though I'm a stranger in the strangest of lands. This mad adventure I've begun, it's unlike anything I know. It's gonna be a lot of work and lots of fun and pots of dough. Dan Burton en direct au studio 105 de France Musique, et cet extrait de cette comédie musicale de Cy Coleman, City of Angels. Et un autre extrait de ce nouvel album de Dan Burton qui s'appelle Broadway Melodies. Alors là, c'est extrait d'une comédie musicale par les auteurs de My Fair Lady, une comédie musicale autour de la légende du roi Arthur qui s'intitulait Camelot. Dan Burton interprète If Ever I Would Leave You en direct. Summer, seeing you in summer, I never would go. Your hair streaked with sunlight, your lips red as flame, your face with a luster that puts gold to shame. But If I'd ever leave you, how could it be in autumn? How I'd leave in autumn, I never would know. I've seen how you sparkle when fall nips the air. I know you in autumn, and I must be there. And could I leave you running merrily through the snow, or on a wintry evening when you catch the fire's glow? If ever I would leave you, how could it be in springtime? How I'd leave in spring, I'm bewitched by you so. Oh no, not in springtime, summer, winter, or fall. No, never could I leave merci à Dan Burton. On vous conseille de vous procurer ce premier album Broadway Melodies. Et puis Dan Burton, s'il reste des places, à vrai dire je ne sais pas trop, vous pouvez l'applaudir sur scène dans Singing in the Rain au Grand Palais à Paris jusqu'au 11 janvier. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Bonjour Bastien Steele. Bonjour. Alors expliquez-moi, vous êtes venu avec un grand orchestre qui sonne comme dans les années 20. Qu'est-ce que vous avez changé pour qu'il sonne comme ça? En fait, j'ai rien changé. On fait jouer exactement les partitions qui étaient éditées à l'époque avec l'orchestration d'origine dans une formule qui s'appelait les stock charts et qui étaient en fait des arrangements qui étaient faits pour les orchestres de danse pour permettre aux gens de danser sur les tubes qu'ils pouvaient voir au cinéma ou entendre à la radio. C'est l'époque où il n'y avait pas vraiment de gramophone. Et donc, il y avait des stock charts. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, je crois. Ouais. Et voilà, parce que comme il n'y a pas de, comme vous dites, de gramophone forcément pour faire danser, il fallait vraiment que ce soit les orchestres qui jouent. Et les formules qui étaient utilisées dans les films étaient souvent étirées pour s'adapter au numéro de danse, etc. Donc, il fallait faire une formule concentrée de 3 minutes, 3 minutes 30, qui correspond au tour de danse. Et donc, chaque titre, chaque tube était arrangé directement et diffusé pour tous les orchestres de danse des États-Unis. Alors, ce qui est fascinant avec cet album que vous avez fait paraître, qui s'intitule Singing in the Rain, tout simplement, c'est qu'on redécouvre les chansons de Singing in the Rain. On ne se rappelle pas, mais évidemment, c'est ce qu'on appelle un musical jukebox, hein, Singing in the Rain, le film lorsqu'il sort en 1951. En gros, on a demandé aux auteurs Betty Comden et Dove Grimm d'aller puiser dans des chansons qui ont été créées dans les années 20 et 30. Et puis, on les a réarrangées. Comment on retrouve les arrangements? Je vois par exemple qu'il y a un tuba. Ça, par exemple, c'était quelque chose de très typique de l'époque. Alors, les chansons du film de 52, en fait, ont toutes été écrites par Arthur Freed et Nashua Brown. Mm-hmm. Et le parolier Arthur Freed, en fait, est devenu producteur à Hollywood. Et quand, avec Gene Kelly, ils ont décidé de rendre hommage à cette période-là, en fait, il a juste repris tous les tubes qu'il avait écrits pour les différentes comédies musicales dans les années 20 et 30. Et donc, il y a des morceaux qui sont de 1929, des morceaux qui sont de 1936, ouais. Des morceaux de 1940. Donc, stylistiquement, ça a beaucoup évolué à cette période-là. C'est parti de 1929, tuba et banjo. Et puis, plus ça avance vers le swing, plus ça devient contrebasse et guitare. Et l'orchestration s'étoffe aussi. Présentez-nous votre orchestre, alors. Tous les musiciens? Ouais. Oula. En 30 secondes, allez-y. Alors, nous avons donc 3 trompettes, 2 trombones, 4 sax, 3 violons. Nous avons Jérôme Etcheberry. Nous avons Hervé Michelet, nous avons Monsieur Desplébin Olivier, Bastien Balaz, Bruno Durand, c'est un challenge que vous me demandez, Dominique Mandin, Stéphane Cro, Bertrand Tessier, Nicolas Fargex, Virginie Turban. Mathilde. Ah, je vous ai posé une colle. Mathilde Févrère. Excusez-moi. Je voulais pas. C'est non, c'était surtout les instruments, en fait. Voilà, je vois un banjo aussi là-bas. J'ai pas fini. Rémi Osvaldo Banjo, voilà, vous avez les contrebasses, Lee Barker. Et une batterie absolument incroyable, parce que je crois qu'il y a plein de trucs très bizarres. Et la batterie dessus. Qui se rapproche plus d'un instrument de percussion encore à l'époque que vraiment la batterie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Bastien Steele, je vous laisse aller au piano, puisque nous allons donc découvrir dans leur jus de nombreuses chansons de Chantons sous la pluie. Par exemple, saviez-vous qu'une des chansons qu'on adore dans ce film, Beautiful Girl, a été créée en 1933 pour le film Stage Mother. Il était interprété, créé par Sam Ash, chanté donc par un homme. Et voici, eh bien, lorsqu'on allait dans les bals dansants à cette époque, à quoi ressemblait cette chanson. C'est Scott Emerson qui reprend la voix aussi un petit peu surannée de cette époque. Thank you. Le Spirit of Chicago Orchestra au complet sur la scène de 42e rue ce matin sur France Musique. Ils interprètent les thèmes du film Chantons sous la pluie dans leur version originale. Un orchestre spécialisé dans les années folles avec son chanteur Scott Emerson. Et voici par exemple une autre chanson qu'on connaît par cœur, qui est très bien pour un dimanche matin à 11h52. Good morning. Say good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you. Good morning par le Spirit of Chicago Orchestra, Gareth Valentine. Je profite de votre présence, vous êtes le chef d'orchestre. Chaque soir, vous êtes au Grand Palais, vous dirigez l'orchestre de Chantons sous la pluie. Ça vous fait quoi d'entendre ces orchestrations-là, de ce film, de ces chansons? This band and this music has the exact opposite of Brexit. C'est le contraire du Brexit. It's joyful, absolutely joyful, and c'est plein de joie. C'est formidable, des compétences incroyables, une cohésion de cet orchestre, le Spirit of Chicago, formidable. There's a huge appetite for this kind of thing. On aime beaucoup ce genre de musique. I guess it's sister or brother band in New York would be Vince Giordano and the Nighthawks. Vince Giordano, the Nighthawks, c'est l'équivalent à New York. They play. It's you have no idea how much skill is involved. Ces gens-là ont des compétences que vous n'imaginez pas. Ce sont des musiciens formidables et un orchestre épatant. Regardez la batterie, on se croirait sur un hôtel d'une église, c'est absolument formidable. Jean-Bernard Leroy à la batterie et tout de suite pour refermer cette 42e rue. Would you, Bastien Stil? Thank you. her arms, would you, she tells him of her charms, would you, they met as you and I, but they were only friends, but before the story ends, she'll kiss him with a sigh, would you, and if the boy were I, would you, and would you dare to say, let's do the same as they, I would you. Merci au Spirit of Chicago Orchestra en concert le 28 janvier à Concarneau. Leur album est paru chez Clart. Les vidéos, l'actualité sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Le prochain cabaret 42e rue le 13 janvier avec la troupe des Parapluies de Cherbourg. Et rendez-vous vendredi avec Saskia Deville sur France Musique pour Noël à Broadway avec l'orchestre philharmonique de Radio France. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée et présentée par Laurent Vallière, avec Philippe Thibault, Julie Garraud, Adrien Roch, Stéphane Lémon, Michel Angot, Isabelle Bureau, Camille Lhermitte, Edouard Rubinstein. Une émission préparée par Martine Monnier, réalisée par Fabien Flora. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.